Chapitre 9, où l'on trouvera de nouveaux détails sur l'agréable vieillard et sur ses élèves, jeunes gens de haute espérance. Le lendemain, la matinée était déjà avancée, quand Olivier se réveilla après un sommeil profond et prolongé. Il n'y avait dans la chambre que le vieux juif qui faisait bouillir du café dans une casserole pour le déjeuner et sifflait tout bas entre ses dents en agitant le liquide avec une cuillère de fer. De temps à autre, il s'arrêtait pour écouter, dès qu'il entendait en bas le moindre bruit, et quand il s'était rassuré que tout était tranquille, il continuait à siffler et à remuer le café. Bien qu'Olivier ne dormît plus, il n'était pas tout à fait éveillé. Il y a un état d'assoupissement entre le sommeil et la veille, où l'on rêve plus en 5 minutes les yeux à demi ouverts et sans avoir bien conscience de ce qui se passe, que l'on ne ferait en 5 nuits, les yeux bien fermés et les sens complètement engourdis par un profond sommeil. Dans ces moments-là, l'homme se rend juste assez compte de ce qui se passe dans son esprit pour se faire une faible idée des puissantes facultés de cet esprit lorsque, affranchi des entraves du corps, il s'élance loin de la terre et se joue du temps et de l'espace. Olivier était précisément dans un de ces moments. Les yeux à demi fermés, il voyait le juif, il l'entendait siffler tout bas, il reconnaissait le bruit de la cuillère frottant contre le bord de la casserole, et pourtant son esprit, pendant ce temps, voyageait dans le passé et se reportait vers tous ceux qu'il avait connus. Quand le café fut fait, le juif posa la casserole à terre et resta quelques instants dans une attitude indécise, comme s'il ne savait à quelle partie s'arrêter. Puis il se retourna, regarda Olivier et l'appela par son nom. Celui-ci ne répondit pas et parut complètement endormi. Le juif, rassuré à cet égard, se dirigea sans bruit vers la porte, la ferma et tira d'une trappe pratiquée dans le plancher, autant que put le voir Olivier, une petite boîte qu'il posa soigneusement sur la table. Ses yeux brillaient, tandis qu'il soulevait le couvercle et jetait un coup d'œil à l'intérieur. Il approcha de la table une vieille chaise, s'assit, et tira du coffret une magnifique montre étincelante de diamants. « Ah, les lurons !» dit le juif en haussant les épaules et le visage contracté par un affreux sourire. « Les braves lurons, ferme jusqu'au bout !» Incapable de dire au vieux prêtre où était la cachette, incapable de vendre le vieux Phagène. Au fait, dans quel intérêt? Cela n'eût pas desserré le nœud coulant, ni retardé la bascule d'une minute, non, non. Ah, fameux gaillard! Fameux gaillard! Tout en faisant à voix basse ses réflexions et d'autres semblables, le vieux juif remit la montre dans la boîte. Il en tira encore une demi-douzaine, et les contempla avec le même ravissement, puis des bagues, des broches, des bracelets, des bijoux de toutes sortes, si précieux et d'un travail si exquis, qu'Olivier ne connaissait pas même le nom de toutes ces belles choses. Le juif les remit dans le coffret, et en tira un dernier bijou, si petit qu'il tenait dans le creux de la main. Une inscription très fine semblait y être gravée, car le juif le posa sur la table, l'abrita soigneusement avec sa main, et la considéra longtemps et attentivement. Enfin, comme s'il désespérait de déchiffrer ses caractères, il remit le bijou dans la boîte, et se renversant sur sa chaise, il continua ses réflexions. « Quelle belle chose que la peine capitale !» disait-il à vive-voix. « Les morts ne se repentent jamais !» Les morts ne viennent jamais révéler de fâcheuses histoires. Ah, c'est une grande sécurité pour le commerce. 5 à la file accrochés à la même corde, et pas un lâche, pas un qui ait vendu le vieux Phagène. En disant ces mots, le juif promenait au hasard autour de lui ses yeux noirs et brillants, qui rencontrèrent la figure d'Olivier. L'enfant le considérait avec une curiosité muette. En un clin d'œil, le vieillard comprit qu'il avait été observé. Il ferma avec bruit le couvercle de la boîte et, saisissant un couteau sur la table, il se leva furieux. Mais il tremblait au point qu'Olivier, malgré sa terreur, pouvait voir vaciller la lame du couteau. Qu'est-ce? Dit le juif. Pourquoi m'observer? Tu ne dormais pas? Qu'as-tu vu? Parle vite, vite, il y va de ta vie. J'ai pas pu dormir davantage, monsieur, répondit Olivier avec douceur, et je suis bien fâché de vous avoir dérangé. Étais-tu éveillé depuis 1 heure? Demanda le juif d'un air menaçant et terrible. Oh non, monsieur, non, bien sûr, répondit Olivier. En es-tu bien sûr? S'écria le juif en se jetant sur l'enfant avec un regard sinistre. Je dormais, monsieur, répondit vivement Olivier. Je dormais, sur ma parole. Oh, c'est bon, mon ami, dit le juif en reprenant brusquement ses manières ordinaires et en jouant avec le couteau avant de le remettre sur la table, comme pour faire croire qu'il ne l'avait pris que par badinage. J'en étais sûr, mon ami, je voulais seulement te faire peur. Ah, tu es brave, oui, ma voix, tu es brave, Olivier. Et le juif se frotta les mains en riant, mais jetait néanmoins sur la boîte un regard inquiet. As-tu vu quelqu'une de ces jolies choses, mon ami? Dit le juif après un court silence, en posant sa main sur la boîte. Oui, monsieur, répondit Olivier. Ah, dit le juif en pâlissant. C'est à moi, Olivier, c'est ma petite fortune, tout ce que j'aurai pour vivre dans mes vieux jours. On m'appelle avare, mon ami, seulement avare, rien de plus. Olivier pensa que le monsieur devait être enfin, en effet, d'une avarice sordide pour vivre dans un endroit si sale, avec tant de montres. Mais il réfléchit que sa tendresse pour le matois et les autres garçons lui coûtait peut-être beaucoup d'argent. Il regarda le juif d'un air respectueux et lui demanda s'il pouvait se lever. Certainement, mon ami, certainement, répondit le vieux monsieur. Tiens, il y a une cruche d'eau dans le coin derrière la porte, va la chercher, et je te donnerai une cuvette pour te laver, mon ami. Olivier se leva, traversa la chambre et se baissa pour prendre la cruche. Quand il se retourna, la boîte avait disparu. Il avait à peine fini de se laver et de remettre tout en ordre, en vidant, par ordre du juif, la cuvette par la fenêtre, lorsque le matois rentra, escorté d'un jeune ami qu'Olivier avait vu la veille au soir occupé à fumer, et qui lui fut présenté sous le nom de Charlot Betts. Puis on se mit à table. Le déjeuner se composait de café et de petits pains chauds avec du jambon que le matois avait rapporté dans le fond de son chapeau. Eh bien, dit le juif en s'adressant au matois et en regardant malicieusement Olivier, j'espère, mes amis, que vous êtes allés ce matin à l'ouvrage. Rouade, répondit le matois. Oh oui, une rude besogne, ajouta Charlot Betts. Ah, vous êtes de braves garçons, dit le juif. Qu'est-ce que t'as rapporté, matois? Deux portefeuilles, répondit le jeune homme. Garni? Demanda le juif avec anxiété. Oh, pas mal, répondit le matois en exhibant deux portefeuilles, l'un vert et l'autre rouge. Il pourrait être plus lourd, dit le juif après en avoir soigneusement visité l'intérieur. Mais ils sont tout neufs et d'un bon travail. C'est d'un habile ouvrier, n'est-ce pas, Olivier? Oh, certainement, monsieur, dit Olivier. Cette réponse fit rire monsieur Charlot Betts à se tenir les côtes, au grand étonnement d'Olivier qui ne voyait là rien de visible. Et toi, mon ami, qu'est-ce que tu rapportes? Dit Fagin à Charlot Betts. Oh, des mouchoirs, répondit maître Batts. Il en tira quatre de sa poche. Bien, dit le juif en les examinant minutieusement, ils sont bons, très bons. Mais tu ne les as pas bien marqués, Charlot. Il faudra ôter les marques avec une aiguille. Nous montrerons à Olivier comment il faut s'y prendre, n'est-ce pas, Olivier? Comme vous voudrez, monsieur, dit Olivier. Tu aimerais à faire le mouchoir aussi bien que Charlotte Betts, n'est-ce pas mon ami? Demanda le juif. Oh, de tout mon cœur, monsieur, si vous voulez m'instruire, répondit Olivier. Maître Ahmed se trouva cette réponse aussi plaisante qu'il poussa un nouvel éclat de rire, mais comme il était en train d'avaler son café, il faillit suffoquer. Il est si innocent, dit-il, dès qu'il put parler comme pour s'excuser auprès de la compagnie de son impolitesse. Le matois ne dit rien, mais il passa la main dans les cheveux d'Olivier et les lui fit tomber sur les yeux, en ajoutant qu'il serait bientôt au fait. Le vieux monsieur, qui vit le rouge monter au visage de l'enfant, changea la conversation et demanda si l'exécution qui avait eu lieu le matin avait attiré une grande foule. L'étonnement d'Olivier redoubla, car il était évident, d'après la réponse des jeunes garçons, qu'ils y avaient tous deux assisté, et il était étrange qu'ils eussent trouvé le temps de si bien travailler. Après le déjeuner, le plaisant vieillard et ses deux jeunes gens se livrèrent à un jeu curieux et bizarre. Voici en quoi il consistait. Le juif mit une tabatière dans une des poches de son pantalon, un carnet dans l'autre, dans son gousset une montre attachée à une chaîne de sûreté qu'il passa à son cou. Il piqua une épingle de faux diamant dans sa chemise, boutonna son habit jusqu'en haut et mettant dans ses poches son mouchoir et son étui à lunettes, il se promena de long en large dans la chambre, une canne à la main, tout comme nos vieux messieurs se promènent dans la rue. Tantôt, il s'arrêtait devant le feu, tantôt à la porte, comme s'il contemplait attentivement l'étalage des boutiques. Parfois, il jetait autour de lui des regards vigilants, comme s'il craignait les voleurs, et tâtait toutes ses poches l'une après l'autre pour voir s'il n'avait rien perdu, et tout cela d'un air si comique et si naturel qu'Olivier en riait jusqu'aux larmes. Les deux jeunes garçons le suivaient de près, et chaque fois qu'il se retournait, il se dérobait à sa vue avec tant d'agilité qu'il était impossible de suivre leurs mouvements. À la fin, le matois lui marcha sur les pieds, tandis que Charlot le heurtait par derrière, et en un clin d'œil, tabatière, portefeuille, montre, chaîne de sûreté, épingle, mouchoir de poche, tout, jusqu'à l'étui à lunettes, disparut avec une rapidité extraordinaire. Si le vieux monsieur avait senti une main dans une de ses poches, il disait dans laquelle, et alors c'était à recommencer. Quand on eut joué bien des fois à ce jeu, deux jeunes dames vinrent voir les jeunes messieurs. L'une se nommait Betty et l'autre Nancy. Elles avaient une chevelure épaisse mais peu soignée et des chaussures en mauvais état. Elles n'étaient peut-être pas précisément belles, mais elles étaient hautes en couleur et avaient le regard résolu et effronté. Comme leur manière était agréable et d'une grande liberté, Olivier pensa qu'elles étaient fort aimables et sans doute il ne se trompait pas. La visite dura longtemps. Une des jeunes dames, se plaignant d'avoir l'estomac glacé, on apporta des liqueurs, et la conversation s'anima de plus en plus. À la fin, Charlot Betz déclara qu'il était temps de jouer du jarret, et Olivier crut que cela voulait dire « sortir » en français. Car le matois, Charlot et les deux jeunes femmes partirent à l'instant, et le vieux juif eut la générosité de les munir d'argent de poche pour s'amuser dehors. « C'est un genre de vie qui n'est pas désagréable, n'est-ce pas, mon ami ?» dit Fadjin. « Les voilà sortis pour toute la journée. « Ont-ils achevé leur travail, monsieur ?» demanda Olivier. « Oui, » dit le juif. « À moins qu'ils ne trouvent par hasard quelque chose à faire en route, alors il n'y manque pas, crois-le bien. « Prends-les pour modèle, mon ami, prends-les pour modèle !» ajouta le juif en donnant un coup de la pelle au feu sur le foyer pour que ses paroles eussent plus de force. « Faites tout ce qu'ils te diront, obéis-leur en tout, et surtout au matois, oh, ce sera un grand homme, et il te formera si tu prends modèle sur lui. Est-ce que mon mouchoir ne sort pas de ma poche, mon ami ? Dit-il en s'arrêtant court. Si, si, monsieur, dit Olivier. Tâche de le prendre sans que je m'en aperçoive, comme il faisait quand nous jouions ce matin. Olivier souleva d'une main le fond de la poche, comme il avait vu faire au matois, et de l'autre tira légèrement le mouchoir. « Est-ce fait ?» demanda le juif. « Le voici, monsieur, » dit Olivier en le lui montrant. « Tu es un charmant garçon, mon ami !» dit le plaisant vieillard en passant sa main sur la tête d'Olivier en signe d'approbation. « Je n'ai jamais vu un garçon plus habile. Tiens, voici un shilling pour la peine. Si tu continues de la sorte, tu deviendras le plus grand homme de l'époque. Allez, maintenant, viens que je t'apprenne à démarquer les mouchoirs. Olivier se demandait avec étonnement quel rapport il y avait entre escamoter, par plaisanterie, le mouchoir du vieillard et la chance de devenir un grand homme. Il pensa que le juif, vu son âge, devait le savoir mieux que lui. Il s'approcha de la table et se livra avec ardeur à sa nouvelle étude.